صاحبي لا تخليني ولا تمشي طريق مازال طويل يا صاحبي لا تبكي العين وتخلي الموت تاخذك منا يا صاحبي شيل حياتي باش تسافر وتخليني يا صاحبي مش متهني ليك انتي نضيع في هالدنيا راهي صعيبة خايف منها ومن اللي فيها لا تروح وتخليني راهي صعيبة خايف منها ومن اللي فيها لا تروح وتخليني L'amour vient vite, l'amour n'attend pas un cher qui nous quitte un nouveau-né qui vient toi tu es mon pote non tu es mon frère je me souviens de notre enfance comme si c'était hier je peux pas te voir souffrir je peux pas te voir partir je peux pas te voir sur le lit de mort après mourir non tiens bon je serai toujours près de toi ouais tiens bon même la mort ne nous sépare Emma ne t'inquiète pas notre amitié est durable c'est ce que Dieu a voulu je suis pas le coupable c'est la vie man c'était un accident souviens-toi de notre enfance et de nos bons moments continue ton chemin reste fort comme d'hab vis ta vie promets-moi de toujours faire du rap c'est la chose la plus belle qui nous a réunis à la vie à la mort HDM continue ya sahbi la tkhallini wala tmchi trik mazal twil ya sahbi la tbki alayn w tkhalli lmout takhdhik minna ya sahbi shir hayati bash tsafr w tkhallini ya sahbi mish mitni lik enti ndi afa Reçois de ma famille, ils ont besoin de toi, man, t'es plus qu'un ami. Je compte sur toi, t'es le seul à qui je donne confiance. Sois pas comme moi un jour, victime de la violence. Ils sont dans mes yeux, ils sont dans mon cœur. T'inquiète pas, dors tranquillement et sois fier. S'ils ont besoin de quelque chose, je serai toujours là. Y'a pas une différence entre toi et moi. Si Dieu t'a choisi, Inch'Allah, au paradis, toi tu pars au ciel, mais moi je reste ici. Non, pleure pas, man, t'es plus un petit gosse. Je t'aime, poteau, peace, adios. صاحبي لا تخليني ولا تمشي طريق مازال طويل يا صاحبي لا تبكي العين وتخلي الموت تاخذك منا يا صاحبي شيل حياتي باش تسافر وتخليني يا صاحبي مش متهني ليك انتي نضيع في هالدنيا راهي صعيبة خايف منها ومن اللي فيها لا تروح وتخليني راهي صعيبة خايف منها ومن اللي فيها لا تروح وتخليني